Murder 187, 130 000 en petite coupure. Compteur bloqué sur la A7. Intérieur, cuir de vachette. Au courant de tes faits et gestes, on quadrille, on fait pas un bruit. Pas le temps pour la comédie, t'es solvable, on te donne un prix. Bloc blanc, ton sur ton, longue veste comme dans les feuilletons. Des bonnets troués dans un vito, et j'suis de Niro dans Vito. Flingueur, crime organisé, association de malfaiteurs. T'as chanté comme si tu m'avais fait, plus personne va te donner l'heure. Toute la nuit dans la gova, on te vise avec des lasers. Argent propre, argent sale, putain j'ai rempli mon sac. J'ai des soucis, j'ai du Goya, des pare-balles on est couvert. Casserole ça fait du crack. Longtemps qu'on agresse, elle faudrait que je l'appelle baby. Mais on fait tomber la neige, putain j'ai rempli mon sac. Y'a des morts à chaque saison, et j'ai trop de refs en prison. On manque pas d'ambition, une casserole ça fait du crack. Je fais une heure, c'est pas la peine, j'intertonne et je colle deux chargeurs. Y'a plus d'âme et y'a plus de cœur. 607 comme le GIGN, lunettes noires, putain j'arrive des ténèbres. Du bon ou du mauvais côté du pays, fantôme dans la fantôme. Si on t'arrache nous y'a pas l'ADN. M4, je mets en travers le BM, basta. J'en ai 500 ou Bolen, comme Blade. Je vis du côté PM, Conte. Comme si je suis du domaine, strangue. La son quand je la baise, minimum 0,8 quand je base. Y'a du sang, je vais lui écrire un poème. Stratège, on fait tomber la neige. Marseille, j'y vais LIVS, Waran. Je fume un Havane, j'ai déjà mis à l'abri ma terre. Si je paie du Hermès à madame. Toute la nuit dans la gova, on te vise avec des lasers. Argent propre, argent sale. J'ai rempli mon sac, j'ai des soucis, j'ai du Goya, des